choux, c'est l'alcool. C'est ça. Donc c'est littéralement mes choux. On préfère. Mais c'est très, très bon. Et toujours avec modération. Mais toujours, toujours avec modération. Merci beaucoup Thomas Sirdé. Encore un bon festival à vous. On sait que ce sera couronné de succès avec plaisir. Du 5 au 8 juillet au Parc des Expositions de Villepinte. Merci beaucoup. Ne manquez pas Japan Expo à Villepinte au nord de Paris. Allez-y, allez-y, courez. Il est 23h. Les toutes dernières informations d'RTL Grand Soir en compagnie de Céline Landreau, et on débute par les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. À nouveau disséqué, une enquête préliminaire est ouverte sur le rôle des collectivités lyonnaises. Soupçonnés de détournement de fonds publics, ce sont les élus Les Républicains de la métropole de Lyon qui ont saisi le procureur de la République. Selon eux, des moyens publics ont été indûment détournés et mis à disposition d'Emmanuel Macron par Gérard Collomb, maire de Lyon à l'époque. Le gouvernement lance une grande concertation pour réformer l'islam de France. Des assises territoriales doivent avoir lieu dans tous les départements d'ici au 15 septembre, au cœur des débats, l'organisation et le financement de la deuxième religion de France. Une communauté inquiète après le coup de filet du week-end dans l'ultra-droite. 10 personnes sont toujours en garde à vue ce soir. Elles sont soupçonnées d'avoir voulu préparer des attaques terroristes contre des musulmans. Des parcs sans tabac à Strasbourg. Dès le 1er juillet, la ville va interdire la consommation de cigarettes dans ses parcs et jardins publics. C'est une première en France. L'Italie confirme sa fermeté vis-à-vis des migrants et ne fera pas d'exception pour le Lifeline. Le bateau affrété par une ONG allemande est bloqué en Méditerranée avec 234 migrants secourus à bord. Comme pour l'Aquarius, Malte ne veut pas du navire, l'Italie non plus. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, l'a confirmé ce soir, taclant une nouvelle fois Emmanuel Macron, 15 fois plus méchant que le Premier ministre hongrois Viktor Orban, selon Matteo Salvini. Espagne, Russie et Portugal, Uruguay, voilà le programme des premiers huitièmes de finale du mondial. L'Uruguay a pris la première place de son groupe grâce à sa victoire 3-0 sur la Russie cet après-midi. L'Espagne, elle, a fait match nul ce soir 2-2 contre le Maroc, mais termine en tête du groupe B car le Portugal a lui aussi concédé le nul 1-1 contre l'Iran. Demain, place aux Bleus, équipe remaniée pour le troisième match de poule avec de nombreux changements en perspective face au Danemark. Les hommes de Didier Deschamps, déjà qualifiés, tenteront de conserver leur première place. Coup d'envoi à 16h. RTL vous fera vivre la rencontre dès 15h30. La météo, rebonsoir Louis Baudin. Rebonsoir, demain le temps sera très ensoleillé, pour ne pas dire tout bleu, une bonne partie de la journée, et ça dans la plupart des régions. Oui, un ciel totalement dégagé, quelques nuages l'après-midi du côté des Vosges ou encore entre les Alpes et la Corse, avec peut-être une averse en montagne, ce n'est qu'un risque. Ailleurs, du grand soleil et des températures qui vont encore grimper par rapport à aujourd'hui. Le matin, 12 à 15, voire 17 degrés dans la plupart des régions, plus de 20 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, 24 à 29 degrés dans la moitié nord et 29 à 33 ou 34 degrés dans la moitié sud. Merci beaucoup, Louis Baudin. Il est 23h03, tout pile. Il est grand temps de retrouver mademoiselle. George Lang. Ah, quand même. Ça me fait rire, les cœurs. Vous avez répété tout le week-end ou quoi? Depuis septembre, on répète. C'est drôle. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Tout le temps que ça vous fait. Vous avez deux charmantes demoiselles qui vous font George Lang, tout ce que ça veut dire. Elles sont timides, c'est ça qui me fait rire. Faites-le avec, avec conviction, s'il vous plaît, mademoiselle. George Lang. Voilà, j'aime ça. Céline? George Lang. Peut mieux faire. Ok. 14 sur 20, c'est pas mal. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Ben non, bisous, genre voilà. George Lang. Oh, maintenant, vous êtes hors concours. Hors concours. The Voice. The Voice. Ok. Allez faire dodo. George. À demain, bye bye. RTL. Première radio de France. Vous pensez que mini rime toujours avec petit? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les vélos, les surfs, les raquettes de tennis, le pique-nique. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman? En ce moment, découvrez la nouvelle édition suréquipée Oakwood avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jante 18 pouces. À partir de 380€ par mois. LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini Countryman Oakwood 102 chevaux, valable jusqu'au 30 septembre 2018. Conditions sur mini.fr. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les Good Old 60s. Revivez.

ça fait du bien d'écouter ça. Bryan Adams. Quelle énergie. Quel son. Allusion à l'été 69, mais l'été 2018 s'annonce pas trop mal, en croire Louis Baudin. Que vous aimez sur RTL tous les soirs de la semaine de 23h à midnight. Shaking All Over. C'est la reprise d'un groupe américain de Los Angeles qui s'appelle The Blue Hawaiians. Au départ, c'était le succès d'un groupe anglais, Johnny Kidd and the Pirates. On passe souvent ça d'ailleurs le jeudi soir dans la collection Tinté Beach Party. Et si vous le voulez, on va faire un bond dans le passé. Il y a 33 ans, on avait organisé le Bended pour venir en aide à la famine qui sévissait en Éthiopie. Tout avait commencé à Londres, et puis la suite, elle s'était faite depuis Philadelphie. Et à Philadelphie, Mick Jagger et David Bowie ont chanté ensemble ce titre que vous connaissez vraisemblablement. Bowie, Jagger, Dancing in the Street. Emprunté au grand répertoire de la soul aux États-Unis. Shot the Sheriff. Dans l'ombre de Bob Marley, Eric Clapton. La collection sur RTL et RTL.fr. On reste en Jamaïque? Allez, Jimmy Cliff. Reggae Nights. Turn on the lights, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Jamaïque avec Jimmy Cliff. Et là, nous sommes en Californie. Crosby, Stills, Nash & Young. Carry On. 23h28. Belle et douce nuit. One morning, I woke up and I knew it was wrong. A new day, a new way, a new life. The sky is clear. is coming to us des années 70. Le son de Laurel Canyon. Crosby, Stills, Nash and Young. What was it made you wrong? En Californie du Sud. It's high noon in the West at Southern California's Big FM. Album mythique. Album Hotel California. Life in the Fast Lane. Yeah. Fast Lane. On sent la patte de Joe Walsh dans cette chanson. Eagles. Fin des 70s. La musique qui vous fait vibrer. Toute la musique qui vous fait rêver. George Lang. La collection George Lang. Écoutez, écoutez, écoutez. Dans le son de la nuit. George Lang. La collection George Lang sur RTL. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid.

But it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know and I know that it was George Lang sur RTL. Nous avons découvert ce titre la semaine dernière. C'est Charlie Puth avec Boys to Men. Et ça s'appelle If You Leave Me Now. No, this is not goodbye. I swear that I'm gonna change. No, baby, please don't cry. It doesn't have to end this way. When I think of all the nights I'll be alone, I get terrified. Please don't say goodbye. 'Cause girl, if you leave me now, if you give it up and just walk right out, you won't take the biggest part of me and all the things. Please don't say goodbye. 'Cause girl, if you leave me now, if you're giving up and just walk right out, oh, you will take the biggest part of me and all the things that. Take the biggest part of me. Charlie Puth avec Boys to Men. Un petit bijou. Allez, partons du côté de la plage, du côté de l'océan Pacifique. We are on the beach. Et c'est Chris Rea qui chante. Dans 7 minutes, minuit. Et après minuit, les nocturnes, toujours sur RTL. Ça va, tout va bien de votre côté, j'espère. En tout cas, la musique est là pour vous aider si vous avez quelques difficultés. Cool. La musique. Vous et moi. Et rien d'autre. Between the eyes of love, I call your name. Behind the guarded walls, I used to go. Sera terminé en allant sur notre site rtl.fr ou en utilisant l'application RTL sur votre téléphone ou votre tablette. instants. L'actualité, ne bougez pas, vous êtes sur RTL, et vous y êtes bien. RTL, première radio de France. RTL. Et si on parlait de Renault Pro Plus, avec Arnaud, plâtrier. Quand vous dites tout inclus pour mon master, ça inclut vraiment tout ? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien, même le changement des plaquettes et des pneus. Et vous dites aussi tout équipé ? Tout à fait. Nous avons plus de 800 Master Grand Confort disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé et tout de suite. Ça, c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Les Nocturnes ont 45 ans. 1973, 2018, c'est aussi 45 ans de powerplay. En 45 ans, plus de 15 000 powerplay ont été diffusés. J'en ai sélectionné 73 parmi les meilleurs. 73 titres, un livret de 20 pages, les notes de Georges Lang, la programmation détaillée en haute définition. Revivez l'ambiance de l'émission mythique des Nocturnes dans un luxueux coffret 4 CD proposé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Vous pensez que mini rime toujours avec petit ? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les vélos, les surfs, les raquettes de tennis, le pique-nique. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman ? En ce moment, découvrez la nouvelle édition suréquipée Oakwood avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jante 18 pouces. À partir de 380 euros par mois, LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini Countryman Oakwood 102 chevaux, valable jusqu'au 30 septembre 2018. Conditions sur mini.fr. RTL, il est minuit. Les infos, RTL. 24 heures d'infos avec Céline Landreau. Le gouvernement lance une grande concertation pour réformer l'islam de France. Des assises territoriales doivent avoir lieu dans tous les départements d'ici au 15 septembre pour repenser la représentation de la deuxième religion de France, mais aussi son financement ou encore la formation des imams et aumôniers. La communauté musulmane préoccupée après le coup de filet du week-end dans l'ultra-droite. 10 personnes sont toujours en garde à vue, soupçonnées de préparer des attaques terroristes contre des musulmans. Le CFCM, Conseil français du culte musulman, s'apprête à se constituer partie civile dans ce dossier. Les comptes de campagne d'Emmanuel Macron à nouveau décortiqués. Cette fois, les soupçons entourent les collectivités locales lyonnaises, dirigées à l'époque par Gérard Collomb, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Après une plainte d'élus Les Républicains, la justice a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. En ligne de mire, notamment une soirée organisée à l'hôtel de ville en juin 2016. Matteo Salvini ne cède pas, comme pour la Aquarius, le ministre de l'Intérieur italien, refuse de laisser le Lifeline accoster sur ses côtes. Le bateau, affrété par une ONG allemande et ses 234 migrants secourus, attendent toujours l'autorisation d'un port pour toucher terre et restent bloqués en Méditerranée. La fin de 17 ans d'embargo, la viande bovine française va pouvoir faire son retour en Chine. Un protocole d'accord a été signé par le Premier ministre Édouard Philippe. La Coupe du Monde de football et les Bleus en quête d'une première place à conserver. L'équipe de France retrouve le Danemark à 16h. Didier Deschamps devrait faire tourner son effectif pour l'occasion à 16h aussi Australie-Pérou. Et les Bleus surveilleront les matchs du soir pour connaître leur futur adversaire en 8e de finale. Le Nigeria affronte l'Argentine à 20h, l'Islande la Croatie. Enfin, on connaît déjà les affiches des deux premiers huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Espagne-Russie et Portugal-Uruguay. La Céleste de Suarez a décroché la première place de son groupe grâce à sa victoire 3-0 sur la Russie. L'Espagne a fait match nul 2-2 contre le Maroc mais termine en tête du groupe B puisque le Portugal a lui aussi concédé le nul 1 partout contre l'Iran. Le temps estival, encore ce mardi, sec et ensoleillé partout et toute la journée sauf près des reliefs, quelques nuages sur les Alpes et les montagnes corses. Les températures 12 à 17 degrés ce matin dans la moitié nord, jusqu'à 20 dans le sud et cet après-midi, 24 à 29 degrés dans la moitié nord, 29 à 34 degrés au sud. Les courses à Auteuil, Claude Piersanti vous propose de jouer le 9, le 3, le 4, le 2, le 10, le 7, le 12 et le 13. Sa dernière minute, c'est le 4 Pichelot. RTL, 24 heures d'info. Évadez-vous en Californie. Parcourez le Tennessee.

Bonsoir, bienvenue. Les Nocturnes, après la collection à l'instant, Bertha, c'était le Grateful Dead. Et ça, c'est un morceau d'anthologie qui a marqué l'histoire de ce groupe légendaire de la baie de San Francisco. Voici maintenant autre chose, une nouveauté, parce que ce qu'on a entendu à l'instant n'était pas vraiment nouveau. Voici James Bay avec l'album que l'on utilise depuis que je l'ai récupéré. C'est l'album Electric Light. On a l'habitude d'écouter Us, qui a déjà été choisi Powerplay. Voici un autre titre qui a pour nom Wanderlust. I didn't wanna un titre qui figure sur le nouvel album de James Bay, un Anglais qui marche d'ailleurs très bien aux États-Unis. Il est minuit 14, mercredi soir, je recevrai un invité dans les nocturnes entre minuit et 2 heures du matin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu d'invité, mais c'est vrai que j'étais parti deux fois aux États-Unis et puis il y a eu des gens qui ont aussi promis de venir et qui sont pas venus, donc voilà, on va pas épiloguer longuement là-dessus, mais en tout cas, le personnage que je recevrai mercredi va vous étonner. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans les nocturnes? Il faut dire que je le connais depuis très longtemps, il est belge, et il m'a toujours dit qu'il voulait faire l'émission, et puis récemment, je suis allé à l'anniversaire de Baffy, dans Paris, il y avait une petite soirée assez agréable, et il est venu me dire, bah, cool, on l'a fait cette émission, oui ou non? J'ai dit, ok, on l'a fait. Vous savez pas de qui il s'agit? Ben, écoutez ça. Les nocturnes de RTL, de minuit à 2h du matin. Depuis 1973, la musique a toujours été ma priorité. 1973, 2018, 45 ans de légende. Une voix. George Lang. La musique. Le mercredi soir, les auditeurs pas comme les autres programment l'émission. Mercredi soir, à partir de minuit, les nocturnes du mercredi avec Salvatore Adamo. Sur RTL. Salvatore Adamo, un vieux copain, quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. On parle souvent musique et pas de sa musique, mais de la musique qu'on passe dans les nocturnes. D'ailleurs, sa programmation, elle est d'enfer. Hein. Je ne vous raconte pas. Je sais pas si c'est le week-end à préparer l'émission. Je veux dire qu'il y a même des choses que je connaissais pas, qu'il a programmé. On va passer un bon moment avec Salvatore et vous verrez, il a extrêmement bon goût. Il ne s'arrête pas sur la musique qu'il chante. Non, non, il connaît plein de trucs et il nous en parlera d'ailleurs. Donc, mercredi, Adamo. Salvatore et Adamo dans les nocturnes entre minuit et 2h du matin. Et vous ne serez pas déçus. J'en suis persuadé. Alors après avoir écouté James Bay, je vous propose maintenant d'écouter quelque chose de complètement différent, quelque chose que vous allez certainement beaucoup aimer aussi, puisque vous le savez, les disques que je cherche le soir pour vous faire plaisir sont des disques qui sont dans ma grande discothèque. C'est vrai qu'il y a une promo qui dit qu'il possède plus d'un million de disques. J'ai pas vraiment un million de disques, mais j'en ai vraiment beaucoup. Et avec le déménagement à Neuilly, j'ai dû tout reconsidérer, voir comment je pouvais enregistrer des choses, les mettre sur d'autres CD, les regrouper. C'est vrai que bon, les disques ne sont plus à ma disposition là sous la main, mais je me balade toujours avec une valise entre Paris, Luxembourg et Neuilly, et je réfléchis toujours pour vous faire plaisir. Alors ça, bien évidemment, c'est parce que demain, Scorpion sera à Bercy. Pardon, à l'Accor Hotel Arena. C'est quand même à Bercy. Et ça va être un grand moment. And the smoke is going down. I'm not afraid to Rock is Going Down. Scorpion, demain, à la Corotel Arena, à Bercy. Et ça va être une superbe soirée, j'en suis persuadé. Il est minuit et 21 minutes. Je ne sais pas si vous connaissez un garçon, un Californien qui s'appelle Kenny Rankin. On ne l'a pas passé depuis longtemps. Et l'autre jour, je suis tombé sur son disque par hasard. C'est vrai que parfois, on range des disques et on en repousse certains. Et on se dit, bah tiens, c'est vrai, celui-là, je n'ai pas programmé depuis longtemps. Eh bien, on va réparer ça. Kenny Rankin avec l'album Peaceful et un titre que j'ai toujours aimé et qui s'appelle Silver Morning. Je crois que si vous ne connaissez pas, vous allez aimer, parce que ça, ça caractérise bien les nocturnes, l'ambiance de cette émission. Morning, Kenny Rankin. Et ça date de 1974. Autrement dit, du tout début des Nocturnes. Et ça, c'est encore plus vieux. 4 ans plus tôt, en 70, Johnny Mitchell a enregistré Woodstock avec son piano. J'adore le son, l'ambiance de cette chanson qui a été reprise par pas mal de monde. Mais ça, c'est la version originale, Johnny Mitchell. I came upon a child of God. He was walking along the road. And I asked him, where are you going? And this he told me. I'm going on down to Yasgur's farm. I'm gonna join him. We are stardust. Crying Eyes, c'était John David Sauver avec Linda Ronstadt. Ce titre figure dans la compilation qui marque les 45 ans de Nocturne. C'est l'un des 45 powerplays que j'ai réunis dans ce coffret. Il est minuit 36, parlons du Power Play. Cette nuit, c'est un titre dont vous avez certainement entendu parler ce week-end si vous vous intéressez à la musique, puisque Paul McCartney nous offre en avance, l'album sortira en septembre, deux titres qui sont le premier single, un double single si vous préférez, avec une chose douce et une chose un peu plus enlevée. L'album s'appellera Egypt Station, il paraîtra le 7 septembre. Je pense que ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà entendu ailleurs, puisque l'argument qui a été donné avec le disque est le même pour tout le monde. Il a été produit, ce disque, par Greg Kurstin, qui s'est occupé d'Adèle, de Beck, des Foo Fighters. Il y aura 14 chansons sur cet album, qui paraîtra donc le 7 septembre. Le disque commencera et finira par un instrumental. Le premier du début, c'est Station 1, et le dernier, Station 2. On sait aussi qu'il y aura une chanson acoustique qui s'appellera Happy With You, et un titre de 7 minutes qui s'appelle Despite Repeated Warnings. Voilà tout ce qu'on sait concernant ce nouvel album de Paul McCartney, qui sortira donc à la rentrée en septembre. On a donc deux extraits, deux singles. Moi, j'ai choisi le plus doux pour en faire un power play maintenant. Ça s'appelle I Don't Know. Rassurez-vous, on écoutera l'autre titre, Come On To Me, d'ici 1h du matin. Voici donc Paul McCartney, puisque c'est notre power play, bien sûr. Power play. Started to rain. Where- Don't Know, notre powerplay. C'est tout nouveau, c'est McCartney, Paul McCartney, qui proposera ce titre sur son album en septembre prochain. Et maintenant, j'ai envie d'entendre un extrait d'un spectacle que je vous recommande. Vous savez qu'à Las Vegas, il y a plusieurs spectacles du Cirque du Soleil. Je sais que un certain nombre d'entre vous partent faire un road trip aux États-Unis, ils vont partir de San Francisco, Los Angeles, pour s'enfoncer un petit peu dans le pays, toucher un petit peu du pied la route 66, aller voir le Grand Canyon, etc., et passer par Las Vegas. Si vous allez à Las Vegas, si vous avez les moyens, parce que c'est pas donné, hein, le concert du Cirque du Soleil, allez voir Love, cette merveilleuse soirée que vous allez passer, vous n'oublierez jamais. Ça va vous marquer à vie. C'est un spectacle romantique sur les chansons des Beatles et c'est tout à fait exceptionnel. Écoutez des extraits de ce disque que j'ai entre les mains et qui s'appelle The Beatles Love. C'est à partir des bandes des Beatles, des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues sur les albums qui sont parus depuis, mais ce sont vraiment les Beatles qui chantent. Tout est enregistré par eux. C'est George Martin, de son vivant, qui avait donné cela au Cirque du Soleil en leur disant « Ne trahissez pas la musique des Beatles, servez-vous-en comme vous le souhaitez, mais faites en sorte que ça soit beau. » Et Gil Martin, le fils de George Martin, a pris le relais et a monté avec le Cirque du Soleil ce merveilleux spectacle. Voici trois extraits et pas vous laisser indifférent. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope

Madonna, Octopus's Garden, Lucy in the Sky with Diamonds. Trois extraits du show Love, la musique des Beatles, repensée par l'équipe du Cirque du Soleil à Las Vegas. Chose promise, chose due. Je vous ai dit tout à l'heure que McCartney nous offrirait un album en septembre, le 7 exactement. L'album s'appellera Egypt Station. On en a fait un power play avec le premier titre, I Don't Know. Voici le deuxième morceau et je crois que vous allez aimer. Ça s'appelle Come On To Me. McCartney, 76 ans. Titre extrait de son album qui paraîtra donc le 7 septembre, Egypt Station. Et à l'instant, le morceau que vous avez entendu s'appelait Come On To Me, alors que le powerplay quelques minutes plus tôt, s'appelait I Don't Know. Et on va se quitter avec les Beatles, bien évidemment, et un titre emblématique qui figure sur le double blanc. Celui qui nous permet de nous souhaiter mutuellement une bonne nuit. C'est Ringo Starr qui chante Good Night, Sleep Tight. Merci d'écouter RTL. Merci d'écouter Les Nocturnes. To say good night, good night. Sleep tight. Now the sun turns out his light. Good night, sleep. Très belle nuit. Je vous retrouve demain, si vous le voulez, mardi soir, 23h, la collection, minuit, les nocturnes. Et si vous avez aimé la collection et les nocturnes cette nuit, vous pourrez toujours les podcaster. Bon courage, si vous travaillez, si vous révisez. Bonne nuit, si vous vous endormez.